Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Dans le monde qu'a connu Monsieur Proust, l'amitié devait être une chose assez rare. Peut-être existait-elle chez certains. Si Monsieur Proust ne l'y a pas décelé, lui qui était la perspicacité fait homme, peut-être est-ce aussi parce qu'il ne s'est pas soucié de les chercher. Ce qui l'intéressait chez les gens, c'est l'analyse de ce qu'il pouvait représenter pour son livre. Une nuit, il m'a déclaré « Voyez-vous, Céleste, je veux que dans la littérature, mon œuvre représente une cathédrale. Voilà pourquoi ce n'est jamais fini. Même bâti, il faut toujours l'orner d'une chose ou d'une autre, un vitrail, un chapiteau, une petite chapelle qu'on ouvre avec sa petite statue dans un coin. » Alors il partait à la recherche. Toujours avec un objectif précis, en chasseur de détails. Jamais il ne perdait de vue ses personnages. Car la vérité, c'est cela. Il ne s'est pas amusé à peindre un jeu des portraits. Il y avait un monde qu'il avait connu, toute une société et un mode de vie qui s'effritait et tombait peu à peu par pans entiers dans un autre monde qui se refaisait. Il l'avait vu. Je suis sûre qu'il en avait eu la perspective dès le début. Il avait vu la chute de ce monde bien avant de la connaître. C'est cela qu'il a voulu décrire. Tous les ressorts humains, toutes les beautés, mais aussi tous les ridicules. Il était terrible dans ses jugements. Oui, il a prédit la chute. Voilà ce qu'il faut lire dans son œuvre. Si l'on ne sait pas y lire cela, c'est qu'on n'y a rien compris. Toutes ses sorties pour voir les gens n'avaient d'autre raison que l'alimentation de son esprit pour écrire sa prédiction avec le maximum de vérité. Naturellement, il voulait que ses personnages soient parfaits. C'est pourquoi il les a chacun habillés et coiffés de tant de modèles pris dans la réalité. Mais jamais il n'a mis de méchanceté, ni même d'amusement, à greffer sur l'un d'eux tel défaut d'un modèle. C'était plutôt le plaisir de l'artiste, la joie d'avoir trouvé ce qu'il voulait. Il savait que ses sorties le tuaient, mais il trouvait en lui la ressource pour y aller, parce qu'il y puisait une sorte d'exaltation. Comme un jeune homme qui court au rendez-vous avec la jeune fille de son choix. Il était malade, mais il se cramponnait à l'espoir de rapporter ce qu'il voulait de la soirée. Quand on a une grande joie, quand quelque chose a été comme on le désirait, une rencontre qu'on a aimée, un voyage réussi, on en revient absolument délassé, content, rajeuni, on ne sent pas la fatigue, on n'a même plus sommeil. Voilà certainement ce qu'il éprouvait et ce qu'il portait. Et il pouvait revenir heureux aussi bien d'une personne que d'avoir satisfait la curiosité d'une maison. À un moment, il a été tourmenté par un chapeau qu'il avait vu, il y avait bien longtemps, sur la comtesse de Chevigné. Cette dame, il s'en était servi dans son livre pour habiller la duchesse de Guermantes. Ce qu'il a pris d'elle pour son personnage, c'était l'allure et les toilettes, comme il a emprunté la grâce du cou et du port à la comtesse Gréfulle. L'esprit de sa duchesse, c'était plutôt celui de Madame Strauss. Il faisait nettement la distinction en me parlant des trois modèles. S'il ne fait aucun doute qu'il avait eu un sentiment très fort pour Madame de Chevigné et qu'il continuait à l'admirer, cela ne l'empêchait pas de la juger. Ça devait être du côté de Guermantes, je crois. Je me souviens qu'il m'a dit avec un soupir « Et dire, Céleste, qu'en lisant ces pages emplies d'elle, elle ne comprendra pas. » Je me suis souvent demandé s'il avait encore du plaisir à voir ou à revoir les gens pour eux-mêmes. Au temps du Camélia, il avait sûrement eu un grand amour du monde, mais pendant ces 10 dernières années où il s'est enfermé avec son œuvre, je crois que c'était bien passé. Quand il avait fini de moissonner son personnage, il prenait congé des modèles. Tant qu'il en avait besoin, rien qu'à son désir soudain de voir tel ou tel, j'aurais pu suivre la marche des chapitres. De même que, à sa façon d'effacer quelqu'un de ses visites, de ses sorties ou de ses lettres, j'aurais pu dire « Tiens, voilà des pages finies ». La seule époque où il fut assidu chez les uns et les autres fut sa jeunesse. Déjà avant la guerre, à ce qu'il me disait, il ne voyait plus les gens que par tranche, en quelque sorte, selon son intérêt, celui de son livre, je veux dire. Il disait « Mon Dieu, le nombre de gens qu'il faut subir pour tomber sur un être peu ordinaire. » Mais une fois qu'il en tenait un, il en exprimait tout le suc. Toutes ces années où je l'ai connu n'ont été qu'une seule course avec le temps, à la poursuite de ses chapitres et de ses personnages. Ce n'était pas pour rien qu'il répétait tout le temps « Il le faut, il le faut ». Quand on prétend qu'il aimait la parade, non. Il lui en coûtait de se mettre en habit ou en smoking. Il ne s'y soumettait que par obligation. Il n'était jamais si heureux que dans son lit, avec ses tricots autour des épaules et son travail. Et s'il faut la preuve que c'était toujours et uniquement par un besoin soudain pour son œuvre qu'il se décidait à voir les gens, je suis bien la seule à pouvoir en témoigner, puisque je suis la seule à y avoir assisté et même participé, dans la mesure où il me mettait dans la confidence. Il avait un don d'observation fabuleux et une mémoire implacable. Quand je m'en émerveillais, il me disait « Mais Céleste, ce n'est pas un don. C'est d'abord une tournure d'esprit qui se cultive et qui devient une habitude à la longue. Comme il y avait beaucoup d'activités qui m'étaient interdites, je restais plus souvent immobile que les autres, au milieu de la vie. Et ne fût-ce que pour me distraire, je les regardais s'agiter, souvent avec envie. Ce qui faisait que je les regardais encore mieux. J'ai commencé tout enfant. Du jour où j'ai eu mon asthme, aussi bien aux Champs-Élysées qu'au Pré-Catelandillier, dans la maison de mon oncle Amiot, je ne courais pas, je me promenais. À Illier, je pouvais rester des heures à regarder couler les eaux du Loir, puis à lire ou à écrire dans le petit pavillon, avec toute la nature sous les yeux. Quand j'accompagnais mon oncle dans son tilbury, c'était la même chose. Je voyais le paysage se déployer et bouger, les clochers des villages tourner dans la plaine. La vie, les gens, c'est aussi une nature qui se déploie et qui passe. Mais à force de regarder, d'observer, on finit par s'intéresser au rapport. Et comme les savants, avec la réflexion, on en vient à découvrir des lois. Il me disait aussi en me montrant du geste ses yeux et son front « Tout est noté là, Céleste. S'il n'y a pas de mémoire, on ne peut pas comparer. Et c'est seulement en comparant qu'on arrive à compléter sa pensée. Mais ce n'est jamais terminé, c'est pourquoi j'ai toujours besoin d'aller voir ou revoir. La vérité de la vie est dans l'observation et la mémoire. Sinon, elle ne fait que passer. J'ai mis toute mon observation et toute ma mémoire dans mes personnages pour qu'ils soient vrais. Pour être vrai, il faut qu'ils soient complets. C'est pourquoi je les ai habillés et coiffés chacun de la remarque et du souvenir de tant d'autres que j'ai pris dans la vie. Que sa recherche ait été celle de la vérité, j'en ai eu tous les jours la preuve. Tout était vu, oui, mais aussi mesuré, absorbé, relié. Et c'était de la mesure et du lien que ressortait la vérité, et de la minutie, qui n'oubliait rien. C'était « Monsieur Proust » de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.